Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1850, un Français dans la ruée vers l'or. Qu'avait-il dans la tête et dans le ventre? Du courage, de l'inconscience ou de cette rage qui monte quand l'humiliation ou la faim deviennent insupportables ou tout simplement un désir d'aventure? Ils furent quelques dizaines de milliers, ces Français qui en 1848 quittèrent leur village, leur quartier, leur atelier, leur famille pour tenter leur chance de l'autre côté du globe, dans cette terre à peine américaine, la Californie. Les Français n'étaient pas les seuls. La nouvelle, il faut dire, avait fait le tour du monde à la vitesse de l'éclair. En janvier, un certain James Marshall avait trouvé par hasard une pépite d'or de 22 carats. De l'or, de l'or. Comme ceux d'Amérique du Sud, d'Europe ou de Chine, les migrants français ont pris la mer, la route, pendant des mois, au péril de leur vie, pour aller en Californie fouiller les lits des rivières, piocher les talus à la recherche d'un hypothétique filon. D'autres devenaient artisans ou ouvraient une salle de jeu dans une petite ville promise à un grand destin, San Francisco. C'est dans ce monde violent mais ô combien romanesque que nous partons ce soir, en compagnie d'Étienne, un Français dans la ruée vers l'or. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Annick Foucrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure à l'Université Paris-1-Sorbonne, l'auteur, entre autres, d'un livre sur le rêve californien, celui des migrants français des 18e au 20e siècle. D'abord, Annick Foucrier, une question. On dit toujours que les Français sont plan-plan, qu'ils n'émigrent pas, qu'ils préfèrent rester chez eux. C'est faux, non, en ce qui concerne la Californie? C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que les Français, par rapport à d'autres nationalités, ont beaucoup moins émigré. Si vous comparez avec les Allemands, avec les Italiens, c'est très clair. Mais en fait, beaucoup d'entre eux sont partis vers l'Amérique, mais aussi vers d'autres régions du monde, principalement l'Europe. Mais on en trouve beaucoup en Californie, et comme vous l'avez dit, c'est effectivement sur ces Français qui sont partis vers la Californie depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours que j'avais donc publié une étude, Le rêve californien. Mais c'est surtout en 1848 qu'il y a cette espèce d'énorme mouvement quasi planétaire. Mondial. Vous avez tout à fait raison, puisqu'il ce mouvement, en fait, touche aussi bien l'Europe, l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, que l'Asie, puisque beaucoup de Chinois aussi se retrouvent à San Francisco. Et les Français font partie de ce que j'ai appelé une bulle migratoire, c'est-à-dire une augmentation considérable du nombre des migrants, parce que ils ont besoin de partir. Alors, les historiens des phénomènes migratoires parlent de pull et de push. Le pull, c'est les forces d'attraction, et le push, ce sont les forces, au contraire, qui repoussent les émigrants. On connaît ça encore aujourd'hui. C'est exactement. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant, c'est que le phénomène de migration internationale n'est pas un phénomène uniquement actuel. Et c'est très intéressant d'étudier en particulier cet exemple-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1848, spécifiquement 1848, en France? Ben, c'est la Révolution. Ben oui. C'est la Révolution, mais auparavant, c'était aussi une crise économique et une crise sociale. C'est le push. Et tout à coup, il y a une extraordinaire nouvelle. On a découvert de l'or. Et ça, c'est le pull. Et certains de ces immigrants avaient une formule comme l'oiseau sur la branche. C'est-à-dire que celui qui veut partir est comme l'oiseau sur la branche, mais il ne sait pas exactement où il veut aller. Et c'est un coup de vent qui le pousse vers telle ou telle direction. Oui, c'est la nouvelle d'une découverte de l'or. Alors, qu'est-ce qui les pousse? Alors, c'est la faim? C'est ce que je demandais. C'est pas la faim, justement. C'est une envie d'autre chose, d'un nouveau monde. Les émigrants sont rarement les plus pauvres, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ni financiers, ni mentaux, de partir. Ceux qui partent, ce ne sont pas non plus les plus riches, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de partir. C'est toujours une couche intermédiaire qui part, quel que soit d'ailleurs le lieu de départ. Alors, on est dans un cas un tout petit peu particulier, puisqu'il y a aussi des exilés à cause de la Révolution. Mais la plupart d'entre eux sont en fait des Français qu'on dirait maintenant de classe moyenne. Ils sont beaucoup plus éduqués que la moyenne des Français de l'époque. Ils ont les moyens, surtout pour le début, ceux qui partent entre 49 et 52, ils ont les moyens de payer leur voyage, et le voyage coûte cher. C'est quand même à l'époque 1000 francs, lorsque on touche 3 francs par jour. Donc c'est une somme assez importante. Donc ce ne sont pas les plus pauvres, ce ne sont pas ceux qui ont faim, mais ce sont ceux qui voient leur monde changer et qui se disent que là-bas, ils vont peut-être trouver suffisamment d'argent et suffisamment rapidement pour pouvoir revenir, car ils n'ont pas l'intention du tout de rester là-bas, pour pouvoir revenir et ensuite pouvoir acheter un bout de terre, une boutique, quelque chose qui va leur permettre d'améliorer leur situation. Et donc ce ne sont pas des déçus de la révolution de 1848? Il y en a quelques-uns. Et leur trajet est payé par le revenu tiré d'une loterie. Cette loterie a été autorisée par le gouvernement qui y voit l'occasion de se débarrasser d'un certain nombre de personnes. Des contestataires. Mais il ne faudrait pas penser que c'est le gouvernement qui les pousse dehors. En fait, il ne fait que simplement leur faciliter la possibilité de partir. Par où est-ce qu'ils passent? On pourrait penser qu'ils traversent l'océan et qu'ils arrivent dans l'est des États-Unis. Non, mais ils ne s'arrêtent pas là. En fait, la majorité passe par le sud de l'Amérique du Sud, par le Cap Horn. On embarque au Havre et ensuite, eh bien, on débarque à San Francisco. Donc, ça veut dire quand même des mois difficiles. Il y a le passage de la ligne, il y a le passage du Cap Horn avec les tempêtes et la promiscuité. Il y a 200, 500 personnes dans un bateau avec des bateaux à voile et donc des péripéties. Donc ça, c'est J'aime beaucoup premier. Le mot péripéties. Oui. Quelques tempêtes. Les tempêtes, les naufrages. Des moments de calme aussi, hein, puisque c'est le cas à l'équateur. Un deuxième chemin passe par, en fait, l'isthme de Panama, qui n'est pas encore traversé par un canal, évidemment, mais qui permet de décourter considérablement le voyage. Et il y a un troisième passage, qui est celui qu'empruntent surtout les Américains qui viennent de la côte Est, qui là passe par le Mississippi et qui traverse les grandes plaines, les montagnes rocheuses et qui arrive en Californie. Et pouvez-vous nous rappeler, Annick Faucrier, ce qu'est la Californie justement à ce moment-là? En 1848, c'est encore tout juste une terre américaine. Alors, ce n'est pas du tout la Californie que nous connaissons de nos jours, c'est clair. Donc, c'est une terre qui a d'abord été espagnole. Les premiers arrivent en 1769. Et puis, à partir de 1821-23, la révolution mexicaine fait que cela devient une terre mexicaine, avec des ranchs. On a aussi des présidios, c'est-à-dire des espèces de forts avec quelques soldats. Et il y a encore des pueblos qui sont des villages, comme par exemple le village de San José de Guadalupe, que l'on connaît encore puisque c'est le centre de la Silicon Valley. Et donc la Californie devient américaine en 1848, suite à une guerre avec le Mexique. De 46 à 48. Et en septembre 1850, la Californie deviendra le 31e État de l'Union. Exactement. En fait, c'est le 2 février 1848 que le traité de Guadalupe-Hidalgo termine, comme vous l'avez dit, la guerre entre les États-Unis et le Mexique, qui est une guerre de conquête. Et c'est à ce moment-là que le Mexique doit céder la moitié de son territoire, du Texas jusqu'à la Californie, et que la Californie devient en effet états-unienne. Alors la Californie, donc bouleversée par l'arrivée de tous ces migrants attirés par la fièvre de l'or, un mouvement migratoire assez unique dans l'histoire, vous l'avez dit. Nous poursuivrons tout à l'heure cette discussion, si vous le voulez bien, Annick Faucrier. Tout de suite, 1850, un Français dans la rue et vers l'or, un texte de Tadi McNamara, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Laurence Courtois. Mois, 365 jours, 8520 heures, et pas une seule sans que j'y pense. Il doit traîner ses guêtres dans le coin, pas loin d'une table de jeu. Il peut pas être entré en France, pas lui. Il aime trop cette ville. Et tant pis si je dois fouiller tout ce que San Francisco compte de tripots. Je reconnais plus rien ici. Tous les 5 mètres, une nouvelle maison sortie de terre. Des saloons à la place des champs, des passants à la place du bétail. Ça me change de la solitude des collines. Et Éléonore, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je sais même pas si elle est encore ici. Elle va faire une drôle de tête en me voyant. Est-ce qu'elle sera heureuse de me voir? Un homme seul, pauvre, qui boite. Un étranger. 1851, la grande époque de la ruée vers l'or. Étienne, un Français originaire de Lyon, fait partie des 49ers, les premiers pionniers arrivés à San Francisco en 1849, après un long et dangereux périple autour du Cap Horn sur un navire de migrants. Pendant 2 ans, Étienne a vécu dans les montagnes la rude vie des chercheurs d'or. Aujourd'hui, après cette longue absence, il revient à San Francisco. Le petit hameau de pêche est devenu une ville de près de 23 000 habitants. Étienne y croise des immigrés de toutes origines, chinois, allemands, mexicains, français, poussés par le même rêve, s'enrichir rapidement avant de rentrer chez eux. Mais ces hommes, possédés par la fièvre de l'or, sont prêts à tout, même au crime. Les Yankees de gueule, faut se calmer là. Hein. Ah non, mais faut le boire de gueule là-bas. Si vous voulez, je vous rends ce que j'ai gagné. Get the hell out of my gambling house. Non, attendez, s'il vous plaît, please. What are you still doing here, hein? Be friendly, quoi. Get out. Hey, ma valise, non. Get out. Tiens. Français. Merci. C'est des copains, on aime bien se taquiner. We told you to get lost. On dirait qu'ils veulent encore jouer. Non, tomorrow. Tomorrow, we play tomorrow, ok? Je comprends pas. Vous arrivez en ville? Je cherche le quartier des Français. Première à gauche, deuxième à droite. Lost, venez, je vous emmène. Ici, il faut faire gaffe où on met les pieds. Alors, vous débarquez. Ça fatigue le voyage en mer. Rien de mieux à faire que de jouer au dé. Non, je reviens. J'étais dans les collines. Ah, les mines, la chasse au trésor, les veillées autour du feu. À n'importe quel moment, la vie peut basculer. Oh, ça fait plus d'un an que j'ai pas mis les pieds dans une mine. Mais parce que vous savez pas où creuser. Mais c'est votre jour de chance, l'étranger. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Un goldomètre. Ça vous trouve de l'or en un clin d'œil. Un goldomètre? T'es sûr? Mais oui. C'est grâce à ce petit bijou qu'ils ont trouvé les premiers gisements au Nevada. Moi, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Mais vous... Vous, je sais pas, vous avez l'air d'être un chic type. Pour vous, je suis prêt à m'en séparer pour la modique somme de 25 piastres. Non, merci. Alors dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Un cheval? Un bon bain? Un repas? Une fille? Je connais 2 sœurs chinoises. Je cherche quelqu'un. Américain? Mexicain? Un français. Il s'appelle Tanière. Monsieur Tanière? Mais je le connais, moi, c'est mon meilleur ami. Sébastien Tanière. T'en es sûr? Disons que je lui ai ciré les souliers une fois ou deux. Mais entre Français, on est solidaires, pas vrai? Ouais, ouais. Et dis-moi, où est-ce que je peux le trouver? Eh ben, ici, au quartier français. On est arrivé. Mais il doit y avoir une erreur. Moi, je cherchais le camp français. Il y avait 20aine de tentes. On était rassemblés sur les quais. Ici, c'est l'Amérique, mon bon monsieur. Le pays où tout change très vite. Des magasins. Des boulangeries. Un théâtre. Une pépite de civilisation dans la poussière californienne. Bienvenue au quartier français, le French Town. Et c'est donc ici que je trouverai Monsieur Tanière. Vous pourrez pas le rater, c'est un des hommes les plus riches du coin. Riche? Comme Crésus. Bon, le soleil est haut dans le ciel, et je me suis promis de faire fortune aujourd'hui. Attends. Attends. Dis-moi, où est-ce qu'il a ses habitudes, Monsieur Tanière? Au Polka Saloon. Là, de l'autre côté de la rue. Madame Dumont y tient une table de jeu. Madame Dumont? Éléonore? Non, sa mère. C'est la reine du moment. Les trappeurs viennent de loin pour la voir. Elle est belle, sophistiquée. Au fait, je m'appelle Amédée. Tout le monde me connaît ici. Moi, c'est Étienne. Merci. Vous, monsieur, vous avez l'air d'être un chic type. Et Étienne pousse la porte et s'avance dans le Polka Saloon, la plus célèbre des maisons de jeux du quartier français. Assemblés autour des tables de Lansquenet et de 21, des expatriés français jouent et boivent en se donnant des nouvelles du pays. En janvier 1848, la nouvelle de la découverte de pépites d'or en Californie avait rapidement fait le tour du monde. En France, le gouvernement organisa en 1850 une grande loterie des lingots d'or, incitant des milliers de Français pauvres à tenter leur chance en Californie. En quelques mois, à San Francisco, un quartier français, le French Town, s'est construit autour de la rue Montgomery. Souvent moqués par les Américains, qui les nomment les « qu'est-ce qu'il dit ?», les Français et les Françaises ont apporté leur savoir-faire et une certaine sophistication. Au fond du saloon, Étienne repère rapidement Madame Dumont, seule à une des tables. Une belle femme, en effet, habillée à la mode parisienne. Madame Dumont. Je ne sais pas si on a assez. Pour une partie de Lansquenet, certainement. Pour le reste, il faudra rallonger un peu. Je me sens vaine aujourd'hui. Et j'ai toute la nuit. Ça tombe bien, moi aussi. Vous avez des nouvelles du pays ? Je suis ici depuis longtemps. Ça se voit, votre regard. Ce pays sauvage a déteint sur vous. Comment va Éléonore ? Éléonore, vous connaissez ma fille. Éléonore et son mari ? Disons que je suis un ami de la famille. C'est étrange, on s'est jamais rencontrés. Moi, on s'est un peu perdu de vue. Moi, je suis arrivée le mois dernier sur la Valencienne, la seule femme à bord. Vous n'avez pas eu peur pour votre vertu ? Oh, je sais très bien me défendre. 9 de trèfle. 10 de cœur. Valet de cœur. Vous gagnez. Je vous l'avais dit que j'étais en veine. Croyez-moi, je suis endurant. C'est ce qu'ils disent tous. Mais je sais les fatiguer. Vous avez une idée où je pourrais trouver votre gendre ? Sébastien, je sais pas. Avec des collègues, j'imagine. Peut-être sur les quais. C'est drôle. Sébastien Tanière devient riche du jour au lendemain et soudain, il a plus d'amis que Midas. Oh, je suis venue pour être avec ma fille, monsieur... Monsieur... Pardon, je n'ai pas retenu votre nom. Je ne vous l'ai pas dit. Valet de trèfle. Dame de cœur. Roi de pique. On ne gagne pas à tous les coups. Il paraît que Sébastien a eu un accident il y a quelques mois. Oui, effroyable. Il aurait pu mourir. Comment ça s'est passé ? Il était seul ? Je ne sais pas trop, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre. Peut-être un Indien, il paraît qu'il est mort. Que diriez-vous s'il revenait aujourd'hui ? S'il revenait ? Je ne crois pas aux fantômes. Et s'il n'était pas mort ? Je lui demanderais où il était caché tout ce temps. Un dernier round. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le coin ? Ah, des choses et d'autres. Je vais peut-être louer une chambre dans le quartier. Ici, les loyers sont chers. Je vais bientôt récupérer pas mal d'argent. Par des voies honnêtes, j'espère. À San Francisco, les voleurs sont pendus haut et court. 10 de carreau. Valet de cœur. Dame de pique. Vous êtes trop forte pour moi. Je plie. Juste un dernier mot, l'ami de la famille. Je suis pas née de la dernière pluie. Ma fille a épousé un homme riche. Il lui a acheté un théâtre où elle va faire ses débuts de comédienne. Elle est heureuse, ils sont heureux. Alors faites un tour où ça vous chante, mais laissez-les tranquilles. Merci du conseil. Ah, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Oh, ce satané Yankee. Il règle tout à coup de feu. Étienne erre sur les quais à la tombée de la nuit. Dans la baie, des centaines de bateaux pourrissent, laissés à l'abandon. Certains ont été transformés en habitations ou en maisons de jeu. San Francisco est une ville du Far West, imprévisible et dangereuse, où la police, toute récente, est encore incapable de faire régner l'ordre. Pillages et incendies criminels sont monnaie courante dans cette ville tenue par un groupe de bandits redoutables, originaires d'Australie, les Sydney Docks. Help! Please, help! Listen, gentlemen, I can explain. We'll teach you to set fire to our city, won't we, lads? Yeah! They're killing me! Help! Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, on m'attaque! Aidez-moi! Comment ça marche, ce truc? La prochaine fois, ce sera pas en l'air! Merci. Merci, mon brave. Ils vous ont sacrément amoché. We'll get you next time. Les rues ne sont plus sûres. Je m'appelle Gentleman Bart. Étienne. Pourquoi ils en avaient après vous? Ils pensent que je suis responsable des feux. Les idiots. Voulez-vous des fantômes indiens? Du West Indies Spirit. Je vous dois bien ça. Merci. Vous parlez bien français pour un Yankee. Oh, je ne suis pas un Yankee. Je suis Australien. Mes voyages m'ont emmené aux quatre coins du monde. Mais j'ai toujours eu un faible pour la langue de Molière. Ils vous ont attaqué à 5 contre 1. Incroyable, en effet. Aujourd'hui, plus personne ne se laisse faire. Comment ça? Le métier de bandit n'est plus ce qu'il était. On s'attaque sans vergogne au chef des Sydney Ducks. Comment? Vous êtes un hors-la-loi. Un des meilleurs. Et grâce à vous, je pourrais continuer les pillages. Mais ce soir, vous et moi, nous sommes amis. Je vous dois une fière chandelle. Cheers. Merci. Quelle est la meilleure façon de tuer? Vous ne le savez pas? Dans les mines, vous n'avez pas combattu les Yankees, les Indiens? À chaque fois, je tirais en l'air. Oh, for God's sake. Et toutes ces révolutions chez vous? J'étais pas à Paris. Pour l'instant, j'ai tué qu'un grizzly. Oubliez les duels, les belles manières. Ici, on tire dans le dos. Quoi? Sans sommation? Il n'y a pas d'honneur dans l'amour. Je sais. Je suis déjà mort une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident dans les collines. J'étais avec mon frère. Il y a eu un éboulement de rochers et je me suis retrouvé coincé pendant des jours. Heureusement, des trappeurs sont passés par là. Ouais, mais vous avez eu de la chance. Ouais. J'ai passé un an dans leur ranch à me rétablir. Il paraît que je surveillais les chèvres, à peine conscient. Moi qui venais de découvrir un gisement d'or. Ah, bah vous devriez être riche à l'heure qu'il est. C'est mon frère qui a fait fortune. À ma place. Comment s'appelle votre frère? Sébastien Tanière. Ah, je confirme, c'est un homme riche. Je comptais lui rendre une visite un de ces jours. Vous savez où il habite? Bien sûr, au 10 Clay Road. Lui et sa charmante épouse. Éléonore. Il va en faire une tête quand il doit vous voir revenir. Encore des fantômes indiens? Non. Merci. Au revoir, Monsieur Bart. Au revoir, Étienne Tanière. Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. Un jour, je vous rendrai l'appareil. You got to leave the town, boy. You got to leave the town. Dupont Street. Kearney Street. Washington Street. Tout me revient maintenant. Notre voyage depuis le Havre, 5 mois d'ennui et de confinement. Puis le cauchemar au Cap Horn, 37 jours de tempête. L'escale à Valparaiso. Et enfin la porte d'or. Sébastien le sage et Étienne l'intrépide. Tout ça, on l'a vécu ensemble. Quand le navire est entré dans la baie de San Francisco, tous les deux, on criait « De l'or! De l'or !» À l'arrivée, on a vite déchanté. Une ville de bois et de boue. On dormait à la dure. Bon. C'est où? Commercial Street? Sacramento Street? Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Sébastien, mon associé, mon frère. Clay Road. Ça y est, c'est ici. Ah. T'étais avec une autre femme, c'est ça? Toi, t'as pas changé. Oh, et après tout, je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il a dit quand il est revenu? Il m'a parlé d'un éboulement de pierre. Et puis, il m'a dit que t'étais mort. Il pleurait, il parlait sans cesse de toi. Qu'est-ce qu'il disait? Que t'étais le plus courageux des deux. Que sans toi, il se serait jamais aventuré jusqu'ici. Et toi, tu l'as cru? Au début, oui. Et puis, j'ai commencé à douter. Bon alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé là-haut? Le gisement, on l'a trouvé tous les deux. On a promis de tous partager et de se serrer les coudes. Moi, je disais que j'allais te couvrir d'or. Et après, il y a eu un accident? Je me suis retrouvé bloqué sous les rochers. Je lui ai passé les sachets d'or, un par un. Et il a pas essayé de t'aider? Il est parti chercher les secours. J'ai attendu. Et il est jamais revenu? Jamais. Finalement, c'est lui qui t'a couvert d'or. Moi, je croyais que t'étais mort. Il passait tous les jours me voir. Il me consolait et grâce à lui, j'ai repris goût à la vie. On était unis dans notre deuil. Ouais, il avait de l'or plein les poches. On venait de se rencontrer, toi et moi. J'allais pas être une veuve éplorée toute ma vie. Il a promis de t'acheter un théâtre. Oui, le théâtre à Delphi. Et dis donc, les nouvelles vont vite à Frenchtown. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux récupérer ce qui est à moi. J'en ai bavé pour arriver ici. Il est pas question que tu m'enlèves tout ça, hein. À Paris, j'étais plumassière, une simple ouvrière. J'ai passé 6 mois en mer avec les rats. J'ai travaillé dur. Et maintenant... Mais maintenant, t'as un théâtre. Je vais jouer au théâtre. La Dame aux Camélias, s'il vous plaît. Alexandre Dumas. C'est ce que t'as toujours voulu. C'est ce rêve qui m'a permis de tenir. Je t'ai manqué. Un peu, au début. Au fond, j'étais bien contente d'être débarrassée de toi. Et toi? Beaucoup. Je n'avais que ton nom à la bouche. À peine de retour et tu me mens déjà. Il n'y a pas de place ici pour l'amour. Les sentiments. Maudit pays. Ici, c'est chacun pour soi, mon amour. Attends, je vais fermer. Ils font plus de bruit que d'habitude ce soir. Et Sébastien, où il est? Occupé, t'inquiète pas. Oh mon Dieu! Tout le quartier est en flammes. Faut descendre. Attends, attends mes costumes. Pas question que je les laisse aux pilleurs. Les incendies, tu sais, il y en a tous les mois. Il est au nord, dépêche-toi. Allez. Le premier grand incendie de San Francisco se déclenche dans la nuit du 3 au 4 mai 1850. Attisé par le vent, le feu s'attaque aux bâtisses en bois de Clay Street et Keary Street avant de se propager vers le nord et vers l'est. Les pompiers sont rapidement débordés. Bientôt, tout le quartier français est en flammes. Résignés, les habitants contemplent l'incendie. Pendant qu'Éléonore se réfugie chez sa mère, Étienne, lui, part à la recherche de Sébastien. Vous avez vu ça, monsieur Étienne? J'aurais bien aimé leur donner un coup de main, mais je peux pas laisser mon âne tout seul. Ah, m'aider, comment ça va? Coussi, coussa. J'étais au troquet chez les Chinois quand ce maudit incendie a commencé. Ah, pour une fois que j'étais en veine. Au fait, vous avez trouvé monsieur Tanière? Pas encore. J'ai ce qu'il vous faut pour vous remonter le moral. Encore un goldomètre? Mieux, des pépites d'or. Venues tout droit d'une mine à Sacramento. Excellente qualité. Fabrication française. Pour vous, monsieur Étienne, je suis prêt à faire un geste. 2 piastres le lot. Elles sont bien jaunes, tes pépites. Vous voulez dire bien brillantes? L'or s'en va en grattant. En grattant? Ah, fichtre! On s'est joué de moi? Ah, si je revois le salopard qui m'a vendu ça... Te donne pas tant de peine à m'aider. Ici, on se vole tous les uns les autres. Regardez le bon côté des choses. Après l'incendie, il faudra tout reconstruire. Toiture, charpente... Pensez à l'argent qu'on va gagner, monsieur Étienne. Tiens, mais ça me fait penser. Je l'ai croisé, moi, monsieur Tanière. Sébastien? Oui. Il est parti avec des gars du comité de vigilance. Le comité de vigilance? C'est quoi, ça? Il n'y a pas de police, ici. Alors les gens prennent les armes. Ils disent que le feu est d'origine criminelle, et du coup, ils veulent régler leur compte au Sydney Ducks. Qui, les Yankees? Des Français, aussi. C'est la vengeance. La loi du talion. J'aurais bien aimé m'inscrire pour les aider, mais... Il paraît que je suis trop jeune. Ils sont allés où? Au Pueblo San José. Il paraît que les bandits sont barricadés dans une grange. Monsieur Étienne, où est-ce que vous allez? Pueblo San José. Mais c'est à 50 miles d'ici. Prenez mon âne. Merci, Amédée. Mais j'ai pas de quoi te payer. Vous inquiétez pas, je vous le fais à crédit. Allez. Gilliatt. Gilliatt. Juché sur son âne, Étienne monte dans les collines qui surplombent San Francisco. Il aperçoit de loin la baie, noire et étincelante, éclairée par les flammes. Babylone est en feu. Étienne file à travers les plaines sur son âne. Sous le ciel étoilé, des coyotes se chamaillent dans l'ombre. En 1851, excédés par les incendies et l'impuissance des autorités, les habitants de San Francisco ont constitué un comité de vigilance, une milice armée déterminée à rétablir l'ordre, quitte à se passer de la justice et à commettre les pires exactions. Divisés en escouades de 8 à 10 hommes, les miliciens battent la contrée en direction de San José, à l'époque un village. Traqués, la poignée de bandits se réfugie dans une masure abandonnée. Avec d'autres Français, Sébastien participe au siège. Bande de salopards ! Sortez de là ! Sébastien ! Sébastien, t'es là ? Enfin, les renforts ! Dépêchez-vous ! Je suis derrière le muret ! Ils sont trois barricadés dans la maison, ces fils de pute ! Ils ont déjà tué deux des nôtres ! Eugène est là-bas, à l'abri de la charrette ! Et toi, l'ami, qui es-tu ? Moi, c'est Étienne. Étienne ? T'es vivant ? On a des choses à se dire, frérot. Tu me fais un peu de place ? J'arrive pas à y croire. Que tu sois là. En chair et en os. Et revenu d'entre les morts. Pourquoi tu m'as abandonné ? Je t'ai pas abandonné. T'étais en train de mourir. T'étais mort. S'il y avait eu la moindre chance, je serais resté... Tu savais que je vivais encore. J'ai vu tes yeux. Pourquoi t'as fait ça ? Hein ? Tu voulais Éléonore ? Bien sûr que non. Sortez, bande de salauds ! L'assaut va commencer d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que tu fais ? Je charge mon fusil, moi aussi. Je vais te rendre l'argent. Enfin, une partie. Combien tu veux, j'en parlerai aux associés. Tout. Je veux tout. Et Éléonore en prime. Mais c'est ma femme. Je l'aime. Tu quitteras la ville. Tu disparaîtras, comme tu m'as fait disparaître. Sinon ? Eugène fait signe. L'assaut commence. J'y vais. Sébastien ! Les justiciers entrent dans la masure, mais les bandits s'enfuient par une autre sortie. Sébastien tente d'empêcher l'un d'eux de partir, mais celui-ci réussit à le neutraliser. Dehors, les autres justiciers poursuivent les bandits dans la campagne. Sébastien ! Sébastien, t'es là ! Lorsqu'il entre dans la masure, Étienne se retrouve face à Gentleman Bart, qui tient un pistolet sur la tempe de Sébastien. Étienne, quelle bonne surprise ! Tu connais ce courageux justicier ? C'est mon frère. Je suis venu le chercher. Étienne, tu connais ce bandit ? Enchanté, monsieur le frère. J'ai une dette envers Étienne, mais pas envers vous. Libérez-moi, s'il vous plaît. La vie est bien faite, Étienne. Vous n'aurez pas à tuer ce scumbag vous-même. T'es de mèche avec lui ? Attendez, j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Et comment l'as-tu obtenu, cet argent ? En trahissant ton propre frère. Tu vas pas me laisser mourir. Étienne ! Je veux savoir la vérité. Bon, faisons vite. Mais avant chaque exécution, une petite prière. Ça va vous aider à lui tirer les vers du nez. Je vais t'expliquer. Je comptais revenir, mais en allant chercher les secours, j'ai changé d'idée. Continue. Je sentais les pépites au fond de mes poches. Je me suis mis à imaginer tout ce que je pourrais faire avec. C'était un sentiment merveilleux. Pour la première fois, je me sentais libre. J'existais en dehors de toi. Bloody hell! Qu'est-ce qu'il y a après our sins? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sais bien. Les parents t'ont toujours préféré alors que je suis l'aîné. Puis tu t'es mis à me commander à ton tour. Tout ce que je voulais, c'était du respect. Amen! C'est fini. Je t'en supplie, dis-lui de pas me tuer. Un instant. J'aurais fait pareil à ta place. Moi aussi, je comptais garder l'argent pour moi. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Laissez-le partir. Quoi ? Je voulais vous rendre service. Et ma réputation ? Je ferais bien de vous abattre tous les deux. Je ferais pas ça si j'étais vous. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? En Amérique, on vise le cœur, c'est ça ? Le comité de vigilance. Ils reviennent. Allez, partez pendant qu'il en est encore temps. Vous, les Français, trop courtois, trop gentils. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une nation. À présent, nous sommes quittes. Merci, Étienne. Messieurs, dames, je vous écoute à vos annonces. je pose 10. J'en ai 5 de plus. C'est correct, mais ça vaut pas le polka saloon d'avant. Alors, t'as réfléchi à ce que je t'ai proposé? 50-50. Ouais, j'accepte. Banco. 10 de cœur. Valet de trèfle. Roi de pique. Je remporte la mise. Bravo. Au fait, Éléonore m'a écrit. Elle est arrivée à Nevada City. Il y a un autre théâtre là-bas. Je rentre. Je suis pas en veine ce soir. À bientôt. Sébastien, que diriez-vous de reconstruire le théâtre à Delphi? On pourrait s'associer, vous et moi. Monsieur Étienne. Hé, hey, monsieur Étienne. Vous partez? Tu peux m'appeler Étienne. Oui, je m'en vais. Alors, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Des pantalons. Très, très résistants. Tous les trappeurs en portent. C'est dur. Rugueux. Comment ça s'appelle? Des jeans de Nîmes. Ça vient de chez nous. Si vous voulez, je vous fais un prix. Non, merci. Des jeans de Nîmes? Non, je suis pas sûr que ça prenne. Allez. Au revoir, Amédée. Non, mais attendez. Où est-ce que vous allez? En France. Je vais en France. Détruite aux deux tiers en une nuit, puis reconstruite en quelques semaines, la ville de San Francisco est frappée un mois plus tard par un nouvel incendie. Le comité de vigilance fait pendre 4 pilleurs. 14 autres sont expulsés vers l'Australie. En 1856, le comité se reformera pour de nouveaux lynchages avant de se dissoudre dans le Parti républicain. En 1856, la ruée vers l'or prend fin lorsque la plupart des ressources facilement accessibles ont été exploitées. Afin de garder le monopole de l'or, les Américains chassent les étrangers et massacrent les Amérindiens. De nombreux Français reviennent au pays, dépités et ruinés. Après l'assaut de San José, Gentleman Bart réussit à fuir la Californie pour l'Illinois, où il se marie. Entre 1870 et 1884, il se spécialise dans l'attaque de diligence. Il aime laisser des poèmes sur les lieux de ses crimes. En 1854, à Nevada City, Éléonore Dumont devient patronne de maisons de jeux et de bordels. Elle ne montera jamais sur une scène de théâtre. Dans les années 1860, elle accédera tout de même à la célébrité sous le nom de Madame Moustache. Et Étienne Tanière? Fin avril 1851, son frère Sébastien lui remet la moitié de ses bénéfices. Du jour au lendemain, Étienne devient un homme fortuné. Les passants me regardent. On dirait qu'ils savent que je transporte de l'or. Attention, ce serait bête de se faire voler le dernier jour. On m'a parlé d'un gisement à Mocklum Hill. Mais non, non, non, j'ai pas envie de tout recommencer. San Francisco. Cette ville est fascinante, mais c'est pas pour moi. Ça fait que quelques semaines que j'y suis de retour et déjà je la reconnais plus. Tous les 5 mètres, une nouvelle maison sort de terre. Des ruelles que je croyais connaître sont devenues des allées sans issue. Ici, je serai toujours un étranger. Au fond de la baie, un navire arrive à l'horizon. Il disparaît. Il est peut-être en route vers la France. Bientôt, ce sera mon tour de partir. Un long rêve prend fin. Enfin, je me réveille. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas? La France aussi a dû changer. Monsieur Étienne! Attendez! Je viens avec vous! En 1850, un Français dans la ruée vers l'or de Taddy McNamara, avec Julien Lucas, Étienne, Léo Reynaud, Sébastien, Leslie Lipkins, Éléonore Dumont, Samuel Charles, Amédée, Elsa Tauvron, Madame Dumont, Dominique Gould, Gentleman Bart, les voix de Marine Lemoynier, Vincent Domnac, Lio Test et Loïc Arcastagnou. Et en guest star, Taddy McNamara dans le rôle du Yankee. Bruitage, Sophie Byzance. Prise de son, montage et mixage, Cédric Chatelus et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Laurence Courtois. Vous êtes sur France Inter. Dans quelques minutes, on continue la discussion sur les Français dans la rue et vers l'or avec mon invité Annick Foucrier. David Byrne, Everybody's Coming to My House, tiré de l'album American Utopia. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. L'émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin. À la technique, Théo Lacombarde. Annick Foucrier, donc, on a quitté Étienne à San Francisco. Il hésitait à repartir chercher de l'or dans les Mokolum Hills ou bien à rentrer en France, ce que vraisemblablement il va faire. Ça se passait comme ça, donc, pour les Français. Ils rentraient en France, fortune faite ou bien bredouille. Alors, les premiers qui sont arrivés, ceux qu'on appelait les 49ards, c'est-à-dire ceux qui arrivent vers 1849. Arrivent en Californie ou qui arrivent en France? Non, ceux qui arrivent en Californie arrivent dans un monde où il n'y a pas encore trop de concurrents. Ça leur permet de gagner suffisamment et de pouvoir ensuite envisager de revenir assez rapidement. C'est ce qui se passe et la position d'Étienne est tout à fait de ce côté-là. Celle de très nombreux chercheurs d'or. Ils ont fait une strike, c'est-à-dire trouver un filon, et donc ils sont contents de repartir. Ouais. Et quand ils vont repartir, ça leur permet, j'en ai retrouvé un certain nombre justement de ces Français qui ensuite reviennent dans leur petit village, et là, ils peuvent recommencer une vie, s'acheter ce qu'ils voulaient. Beaucoup quand même partent plutôt vers les villes parce qu'ils ont... Ils ont vu le monde un peu. Ils ont vu le monde, exactement. Ouais. Et donc, ils sont en décalage par rapport à leurs voisins du village. Et ça, c'est un phénomène assez fréquent chez les migrants qui retournent. Est-ce que les Français étaient bien accueillis là-bas? Parce qu'on a entendu à un moment M.E.D. qui se fait traiter de « qu'est-ce qu'ils disent ?» Est-ce qu'il y a eu de la xénophobie anti-française en Californie? Alors, M.E.D. n'est pas vraiment un « qu'est-ce qu'il dit ?» parce qu'il parle anglais, lui, même mal, avec un accent. Mais ouais. En fait, « qu'est-ce qu'il dit ?» c'était un thème qui, en effet, désignait les Français, en particulier dans les mines. Parce que les Français se regroupaient, comme ils ne parlaient pas anglais, à l'époque on est au milieu du 19e siècle et ils viennent d'arriver, ils ne parlent pas anglais, en plus l'anglais c'est la langue des Anglais d'Angleterre et on ne les aime pas beaucoup en France à l'époque. Oui, les Français peuvent eux-mêmes être xénophobes d'ailleurs, ça n'empêche pas. Hein. Absolument, ils peuvent avoir certains, disons, préjugés vis-à-vis d'autres nationalités. Mais en ce cas-là, ces Français qui étaient dans les mines s'arrangeaient pour avoir quand même une personne avec eux, qui parlent ou prétendent parler anglais. Et quand la personne en question échangeait avec un anglophone, ils étaient tous regroupés autour et évidemment, ils disaient « mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais qu'est-ce qu'il dit ?» Et l'expression, évidemment, a été très vite à attraper l'oreille des anglophones qui les ont qualifiés de « qu'est-ce qu'ils disent ?» Et par rapport à cette fièvre de l'or dont on parle, est-ce que cette fièvre a poussé effectivement les chercheurs d'or à aller à de telles extrémités, à tuer père et mère, si j'ose dire, ou à abandonner un frère? Est-ce qu'on peut parler d'une fièvre d'or, vraiment? Alors, il y a une fièvre d'or. En même temps, c'est une situation qui révèle, disons, les instincts de la personne. Tout le monde ne va pas tuer son frère. Là, on est un peu dans le Caïn et Abel, mais c'est pas le cas de tout le monde. La plupart n'ont pas mené une vie extraordinaire par rapport à la vie qu'ils pouvaient avoir menée en France. Mais indéniablement, il y a des phénomènes de xénophobie qui se développent, surtout peut-être pas les premières années, parce que là, justement, il y a encore beaucoup d'or, beaucoup de possibilités. Mais à partir du moment où les chercheurs d'or deviennent de plus en plus nombreux, et que les possibilités deviennent limitées, à ce moment-là, la concurrence devient féroce. Il y a des attaques, il y en a une donc très célèbre justement du côté de Moquelumne-Hill, où des Français avaient trouvé un filon, beaucoup d'or, et où il y a eu une bataille rangée avec un autre groupe de mineurs qui, eux, étaient des anglophones. Plutôt, alors, il y avait des Irlandais, des Australiens aussi, des Anglais. Donc ça arrive. Et la xénophobie se manifeste, par exemple, par ce qui s'est passé en 1851, c'est-à-dire le vote de la taxe des mineurs étrangers. Tous les mineurs étrangers, en fait ceux qui ne parlent pas anglais, devaient acquitter un impôt très élevé, $30 par mois, ce qui était considérable. Et il y a eu des protestations, il y a eu des rébellions contre cette taxe, qui finalement a été supprimée, puis rétabli, mais à un niveau beaucoup plus faible. Donc tous les moyens étaient là pour essayer de se débarrasser de concurrents. Ça, c'est vrai. Et la ville de San Francisco, c'est assez étonnant, ce petit village qui est devenu une ville énorme, qui se transforme extrêmement rapidement. On part en 1849 d'une ville de toile et de boue qui devient une ville de bois, une ville où règne aussi une certaine violence. Il n'y a pas de police, c'est le règne des bandes, les Sydney Ducks, il y a les comités de vigilance. C'est assez étonnant ce portrait de cette ville qui bouge comme ça, qui va si vite. Mais c'est San Francisco. Même encore actuellement, San Francisco, c'est un mythe. C'est au sens où une ville mythique. C'est une ville qui est chargée de mythologie. Elle est fondée, c'est en fait 1776, c'est encore un tout petit village, et puis avec la ruée vers l'or, ce qui était ce petit village, tout à coup, d'abord, la population qui s'y trouvait disparaît, elle part vers les mines, donc on passe de 200 habitants à une douzaine, et ensuite, avec tous ceux qui arrivent, eh bien, au contraire, là, la population augmente considérablement. Quelques mois simplement après la découverte de l'or, donc en mars 1848, il y a 812 habitants. En février 1849, on en est à 2000. À la fin de l'année 1849, c'est 5000. 1851, 23 000. Et au recensement de 1852, plus de 36 000. Avec, ça c'est ceux qui sont recensés, mais il y a aussi un mouvement, c'est-à-dire ceux qui arrivent, ceux qui repartent continuellement. C'est un monde instable. Alors, les Sydney Ducks, dont il est question dans ce texte, ce sont en fait des Australiens qui ont très très mauvaise réputation parce que l'Australie, c'est d'abord le bagne pour l'Angleterre. La police, l'organisation de la police est encore insuffisamment aboutie et ça provoque beaucoup beaucoup de violence. Et dans ce désordre, il y a un phénomène qui me semble assez intéressant, c'est aussi peut-être le lieu et le moment d'une certaine émancipation pour les femmes. On voit Éléonore qui part créer son propre saloon, son bordel à Nevada City, la mère qui a sa salle de jeu. On a l'impression qu'elles sont relativement libres dans ce monde cruel. C'est vrai en partie. D'abord, elles sont extrêmement peu nombreuses. San Francisco, 15% de la population. C'est très très faible. Les mines, 2%. Et vous imaginez ce monde d'hommes où il y a si peu de femmes. Elles sont admirées. Elles sont observées. Elles sont convoitées aussi, j'imagine. Très convoitées, mais on n'y touche pas parce que justement, elles sont très respectées, en fait. Elles sont un atout considérable dans les maisons de jeu, en effet, pour attirer les hommes. Elles sont particulièrement bien habillées et elles gagnent énormément d'argent rien qu'à s'asseoir à une table. Alors, il faut voir que les maisons de jeu, elles sont nombreuses. Il y en a une bonne vingtaine à San Francisco. Et ce sont les bâtiments qui sont les plus riches, les plus luxueux, parce qu'il faut attirer des gens. Et là, rien n'est trop beau pour ce genre de bâtiment. Donc, vous voyez ce monde de San Francisco. Vous avez les tentes, vous avez les maisons de bois, et vous avez aussi ces maisons de jeu qui brillent de mille feux. Et tous ces Français, donc, qui se sont installés en Californie, ils se sont fondus dans la masse, ils n'ont pas créé une communauté à part. Alors, comme ils arrivent très très nombreux au moment de la ruée vers l'or, il y a effectivement une French Town, c'est-à-dire un quartier français. Ils forment une communauté avec son consul, son église, ses journaux, ses théâtres, etc. Et puis, beaucoup repartent. Certains restent et ceux-là vont servir d'ancrage à des flux migratoires, des chaînes de migration, c'est-à-dire qu'ils font venir des membres de leur famille, de leur village. Ainsi se constitue une petite communauté, beaucoup moins importante, qui reste encore assez importante tout de même, tant qu'il y a un renouvellement. C'est un grand classique, là aussi, l'histoire des migrations. Et qui reste donc importante jusque dans les années, en fait, 1960. Mais en fait, arrivent ensuite des Français qui, eux, parlent anglais, qui, eux, arrivent de façon beaucoup plus individuelle. Et actuellement, on ne peut pas vraiment parler de communauté française à San Francisco. Merci beaucoup, Annick Foucrier, de nous avoir rappelé cette histoire un peu oubliée. Pour en savoir plus, je conseille la lecture de votre livre « Le rêve californien, migrant français sur la côte pacifique, 18e, 20e siècle », édité chez Belin. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en Pologne en compagnie d'un personnage hors du commun, Jan Karski. Ceux qui ont vu Shoah, le film de Claude Lanzmann, se souviennent sûrement du témoignage bouleversant de ce résistant polonais qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, tenta de mobiliser le monde libre pour arrêter l'extermination des Juifs d'Europe, programmée et menée par les nazis. Je recevrai l'historienne Annette Becker. 1942, Jan Karski, témoin de l'innommable, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.